إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بفضل الله تعالى après que notre Seigneur nous a permis de pouvoir compléter cette risale mufida mubaraka de Sheikh Hafiz al-Hakami qui était dans les 200 questions et réponses dans la Aqida sous forme de mini-audio. Nous allons continuer, Bizina Ta'ala, cette série de mini-audio, toujours, pour faciliter ceux qui veulent apprendre et qui sont occupés par différentes choses dans la vie de tous les jours. Essayer de leur faciliter le plus possible par l'écoute de mini-audio, car au minimum, même si la mas'ala n'aura pas été mémorisée, rien que le fait que tu l'aies déjà entendu et, Inch'Allah, assimilé, c'est déjà un khayl azim. Non. Donc là, après avoir réfléchi et concerté certains de mes frères, j'ai décidé par la suite, car je voulais un livre facile, kazalik, s'il y avait sous forme de questions-réponses, si cela était possible, car c'est une forme d'enseignement qui est très mufida, qui est sahla, facile pour l'enseignant et également facile pour celui qui écoute et l'étudiant. Car ce qui a été, sur quoi tu étais interrogé, il y en a très fréquemment, reste dans ton esprit. Et c'était, comme nous l'avons cité, un moyen ou une méthodologie prophétique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interrogeait ses sahaba. Et par la suite, il n'oubliait pas la réponse qu'il avait donnée. Naam. Donc le livre que j'ai choisi par la suite, c'est, à la base, c'est un livre qui s'appelle Kenz el-Atfal. Kenz el-Atfal, le trésor des enfants. Qui était à la base un matn qui était constitué, justement, de plus de 1500 questions-réponses dans différents domaines, comme dans le Aqida, le Tawhid, le Fiqh, le Sira, le Nabawiyya, dans le Adab, dans les Mu'amalat, les échanges, et etc. D'accord ? Et c'est un livre qui, à la base, avait été destiné aux enfants. Écrit par Dr. Faisal Ibn Misfir Ibn Mu'awad Azinami Al-Wadi'i. Hafizallahu Ta'ala, qui est un des toulèbes de Demmaj, c'est un médecin à la base, mais sa profession de médecine ne l'a pas empêché, alhamdoulilah, de donner l'importance aux études, et c'est un ancien étudiant, d'accord, depuis l'époque de Shaman Gbir, Ta'ala, et comme vous l'avez entendu, c'est un Wadi'i, donc il fait partie de sa tribu. Donc il avait décidé d'écrire ce livre pour faciliter l'enseignement des enfants. Naam. Donc à la base, ce livre, c'était juste un matn avec des questions-réponses sans dalil. Et par la suite, des gens lui ont proposé, lui ont dit, ce livre est très mufide, mais si jamais tu pouvais citer un dalil de chaque mas'ala que tu cites, cela sera encore plus profitable. Car la personne, comme on sait, comme on l'a pris dans Sul Salatha, أنت تعلم الإسلام بالأدلة, que tu apprennes l'islam avec ses preuves. Que tu apprennes l'islam avec ses preuves. Quand tu sais une chose en islam, que tu connaisses la preuve, c'est ça la science. Ben le fait qu'on te le dise seulement, sans savoir pourquoi ni comment, cela t'amènera à pouvoir écouter n'importe qui et à faire n'importe quoi par la suite. D'accord ? Donc lui, par la suite, alhamdoulilah, il a rajouté l'adillah. Un suffit, deux suffit. Des fois, des masselles peuvent avoir plusieurs adillah. D'accord ? Et là, le but, c'est de faciliter. Et là, comme on l'a expliqué, c'était pour les enfants. À savoir que, comme l'auteur le dit lui-même dans sa Muqaddima, il cite des masailles essentielles à connaître, obligatoire à l'enfant, et bien évidemment, comme vous le savez, l'enfant n'est pas mukallaf. L'enfant, c'est-à-dire, ne prend pas de péché et n'a pas d'obligation qui lui incombe. Alors l'adulte est plus en droit encore de connaître ces choses-là. Donc, l'enfant doit l'apprendre et l'adulte ne s'en passe pas. Quand même, la yastarna anhu al-kabir. Comme lui-même l'a dit dans son Muqaddima. Donc ce livre-là, comme yuqal, la yanalu al-ilm mustahi wa la mustakbir. Que cette science, celui qui est trop gêné ou celui qui est orgueilleux ne peuvent l'obtenir. Celui qui est trop gêné, c'est-à-dire celui qui ne demande pas. Qui a peur de demander, il est gêné. Et là, justement, ce livre est sous forme de questions-réponses. Et le mustakbir, celui qui se croit trop haut ou meilleur, au point de ne pas avoir à demander. Pour lui, c'est un rabaissement de demander. Donc les adultes ou les gens, on dit adultes, les pubères, quel que soit leur âge, ils ne se disent pas, c'est pour les enfants, ça ne m'intéresse pas. Wallahi, fi hadha al-kitab, مسائل كثيرة يجهلها أكثرنا. Comme je l'ai dit. Ce livre contient des points en religion que la plupart d'entre nous ne connaissent même pas. Et ils sont cités là de façon facilitée. Donc ça ne coûte rien de les écouter et d'en profiter et après de le retransmettre par la suite. Bifadillahi ta'ala. Donc l'auteur dit qu'il s'est inspiré de beaucoup de livres, il a profité de beaucoup de livres. Et vous le trouverez dans ce livre-là, pas mal de choses qu'on a déjà citées auparavant, des masselles qui se répètent, bien évidemment, comme dans Tawhid, mais ce qui se répète s'ancre mieux dans l'esprit. Ma takarrar, stakarr, kama yokal. D'accord ? Donc, répéter amène justement à mieux mémoriser. Mais ce qui était beaucoup répété, Inch'Allah, on ne s'attardera pas dessus, on va le citer avec sa preuve. Et si parfois il y a besoin de faire un commentaire sur une mas'ala qui pourrait peut-être poser problème ou qui a besoin qu'on expose un détail dessus, Inch'Allah ta'ala, si cela est faisable, on le fera. Mais toujours de façon résumée et brève. Naam. Donc l'auteur dit lui-même qu'il a profité du livre de Cheikh Yahya Hafidhahu ta'ala, qui est Al-Mabadi al-Mufida fi al-Tawhid wal-Fiqh wal-Aqida, qui était également un livre que, alhamdoulilah, on a enseigné, il est présent sur le site, les audios, et qui était sous forme de questions-réponses pour les enfants. Il s'inspirait de plusieurs moutons connus. Également, on va trouver des masselles de Usul, de Salasat al-Usul, des trois fondements, présentes dedans. Il cite plein de choses. Donc ça fait une forme de révision pour ceux qui ont déjà appris, quand même. Et, alhamdoulilah, un nouvel apprentissage pour ceux qui ne l'ignoraient. Donc tout le monde profite. Tout le monde profite, bifadlillahi ta'ala. Et dans le fiqh, il cite, qui revient dans beaucoup de masselles, présentes dans Fath al-Allam, qui est une dirasa de Boulour al-Maram de notre cher Mohamed ibn Hizam, dans le fiqh. Donc par la suite, quand les gens lui ont dit de mettre les adillah des masselles qui citent dans son livre, à la base le matn s'appelle Kenzu al-Atfal. Et après il l'a appelé al-Istidlal à la Kenzu al-Atfal. L'Istidlal, c'est le fait de chercher la preuve. D'accord ? Ou la façon de démontrer la preuve. Et par la suite, l'auteur, bien évidemment, dit que toute personne... oui, j'ai oublié de préciser que dans son Muqaddima, il cite que les hadiths qu'il cite, qui ne sont pas présents dans les deux authentiques, dans Bukhari et Muslim, il s'est basé sur le jugement de Cheikh Mohamed Nasir al-Albani, rahmallahu ta'ala, et de Cheikh Mokbin, rahmallahu ta'ala, qui sont les références incontournables en cette époque dans la science du hadith. Et bien évidemment, Cheikh Mokbin disait que Cheikh al-Albani était plus savant que lui dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, Cheikh Mokbin est également un imam et tout particulièrement, il était l'enseignant de l'auteur. L'enseignant de l'auteur. Et de sa tribu également. Donc forcément, kama yuqal, man lam yashkur an-nas, lam yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Et le plus grand droit qu'un professeur pourra avoir sur son enseignant, sur son étudiant, c'est qu'il le remercie. Et par cela, en propageant sa science. Car beaucoup de ulama dans le monde ont été connus, car Allah a mis la baraka dans leur science, à travers leurs étudiants qui ont propagé leur science. Par exemple, l'imam Malik a eu sa science propagée fil Maghreb, par qui ? Par Ibn Abdul Barr, qui est une cause de propagation du mazhab Maliki, tamam, fil Maghreb, et qui par la suite s'est propagé en Afrique. Au Qabla Hadha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande cause de propagation de sa sunna prophétique s'est faite par quoi ? Par ses compagnons. Et par la suite, par ceux qui ont retransmis. Naam. Et malheureusement, des ulama qui avaient une grande valeur et beaucoup de science, leurs étudiants n'ont pas donné l'importance qu'il fallait à leur transmission de leur ilm, ce qui a fait que peu les connaissent. Ce qui ne réduit rien de leur rang. Un exemple que notre cheikh Abdelhamid cite, par exemple, Cheikh Taqeddin al-Hilali, al-Maghribi, qui était un grand savant, et qui malheureusement, peu de sa science a été diffusée. Pourquoi ? Car ses étudiants n'ont pas donné assez d'importance à cela. Donc lorsqu'un étudiant ne s'engage pas assez à propager la science dans son enseignant, de son cheikh, celle-ci peut être méconnue par beaucoup de gens, malheureusement. Et Allah, fadlullah yu'ti man yasha. Naam. Donc de là, Inch'Allah, c'était une muqaddima de présentation par rapport à cette série de cours qui va commencer. Donc comme on l'avons dit, ça va être plus de 1500 questions. Et kadhalik, on restera sur notre tariqa, notre méthode qui est de faire un audio d'une moyenne de 10 minutes à peu près. Des fois peut-être qu'il sera un peu plus, des fois un petit peu moins. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.